bientôt 50 ans. Et je sens le poids du temps, faut que je fasse attention. Mon corps soutenu en carton. C'est sûr, j'ai plus 20 ans. Dans ma tête, c'est comme avant. Faut que je me fasse une raison. Sinon, je vais prendre un bouillon. Yeah.